Bonjour à toutes et à tous. Je réalise depuis plusieurs mois une version audio du Progrès de l'Est, journal qui a vu le jour à Sherbrooke le 25 août 1883. Je présenterai ici ces articles tirés du Progrès de l'Est qui parlent de ce qui se passait dans notre région à l'époque. Cet extrait, tiré de l'édition du 15 septembre 1883, relate un incendie à Weedon. Weedon. Dimanche dernier, 8 jours, des voisins aperçurent des flammes sur la maison de M. Magloire de Merce, cultivateur et ancien marchand. On parvint aussitôt à éteindre le commencement d'incendie. Mais quelle ne fut pas la stupeur de M. de Merce et des autres personnes en s'apercevant que le toit de la maison était imbibé d'huile de pétrole. Des incendiaires avaient donc passé par là. Vendredi dernier, dans la soirée, le feu apparaissait de nouveau dans la même maison, mais cette fois, quelques efforts que l'on fit, tout fut dévoré. On parvint seulement à sauver les bâtiments avoisinants. Les pertes sont évaluées au-dessus de la somme assurée. Si la justice met la main sur les coupables, elle fera bien de les pincer pour 2 crimes, car il est évident que les mêmes mains ont accompli ces forfaits.